Extrait sixième, au corps à corps. En un clin d'œil, la hache ou le sabre eurent taillé une brèche dans la haie vivante qui entourait l'officier du roi George. Alors le marquis s'avança, l'épée haute, et cria « Monsieur George Blackford, j'ai un mot à vous dire. » Cette parole, jetée comme une phrase de politesse, frappa de stupeur l'assistance. Le combat fut un moment suspendu, l'anglais s'avança sur le front de la petite troupe qui se défendait encore, et répondit avec hauteur « Je ne sais pas ce que vous avez à me dire. Je consens pourtant à vous écouter. » Jacques ôta de son juste au corps un flot de rubans jaunes. « Monsieur, ces rubans m'ont été donnés par une de vos parentes, pour la rappeler à votre souvenir. Je suis le marquis Jacques de Clavaillant, lieutenant de Surcouf. Je vous offre de vous rendre à moi avec vos hommes, vous engageant ma parole de gentilhomme que vous serez traités les uns et les autres avec égard et déférence. Et si je refuse, monsieur ? Riposta l'anglais dédaigneux. J'ai une seconde alternative honorable à vous offrir. Vous sortirez seul des rangs, et j'aurai l'occasion de croiser le fer avec vous. Si je vous tue, vos hommes se rendront à discrétion et seront traités en adversaires particuliers, c'est-à-dire que je leur rendrai la liberté sans condition. Et si je vous tue, moi, en ce cas, la lutte continuera jusqu'à ce que l'Eagle soit pris. George Blackford souleva son chapeau et salua. « Monsieur le marquis de Clavaillant, je suis votre homme. Défendez-vous. » Et il marcha sur le jeune chef. « Un instant, » fit celui-ci, « je dois vous remettre les rubans de votre aimable parente. Souffrez que je les mette à votre portée. » Ce disant, Jacques de Clavaillant embrochait le flot de rubans avec son épée et tombait en garde, présentant l'arme ainsi en guirlandais. Le duel commença aussitôt à la face des deux corps hostiles. Les deux adversaires étaient de même taille et presque du même âge. Plus grand et plus corpulent, l'anglais avait sur le français l'avantage de son poids et de son volume. Le corsaire, il est vrai, compensait cette disproportion par une souplesse et une agilité incomparables. La lutte ne pouvait qu'être mortelle. Tous comprenaient que chacun des deux champions combattait tant pour lui-même que pour l'honneur de son peuple et de son pavillon. Leur acharnement en devait être doublé. Leur victoire d'autant plus méritoire. Ce fut, pendant quelques minutes, un cliquetis formidable de lames heurtées. L'acier résonnait avec des vibrations argentines, et le spectacle était si captivant qu'un silence prodigieux régnait sur le pont de la corvette. Tout à coup, emporté par un élan irréfléchi, George Blackford se fendit à fond, portant au jeune lieutenant de Surcouf un coup d'allonge démesuré. L'attaque glissa sur le fer de Clavaillant, qui prompt comme la foudre, riposta par un dégagé furieux, en coup à coup. Les deux hommes étaient si près l'un de l'autre que l'épée du marquis tout entière disparut dans la poitrine de son ennemi. George Blackford se redressa, étouffé par le sang, battit l'air de ses bras et tomba comme une masse sur le pont. Il était mort. « Bas les armes !» cria Jacques en élevant son fer sanglant. Mais au lieu de se conformer aux clauses du combat singulier, les marins survivants de l'Eagle firent entendre un rugissement de colère et, poussant un hurrah de défi, se ruèrent sur les Français. Jacques était au premier rang. Il n'avait pas prévu le choc. Son pied glissa dans une flaque de sang et chancela. En même temps, un Anglais, de stature gigantesque, s'élança sur lui, la hache levée, prête à lui fendre le crâne. Autour de lui, la mêlée était furieuse. Les marins anglais se défendaient avec le courage du désespoir. Clavaillant para du bras gauche le coup qui lui était porté. L'arme glissa, lui entaillant l'épaule, mais elle se releva, et le réchef, le commandant, fut à la merci de son adversaire, ne pouvant lutter dans la position où il se trouvait. Brusquement, l'anglais chancela, en jetant une sourde imprécation. En même temps, un coup de feu éclatait aux oreilles de Clavaillant, une main le saisissait sous le bras et l'aidait à se redresser. « Hardi, commandant, l'homme est mort !» cria une voix claire. Il se retourna. Guillaume Ternan était à ses côtés, tenant à la main son pistolet encore fumant. La lutte, d'ailleurs, était finie. Une quinzaine de matelots tenaient encore. Voyant l'inutilité d'une plus longue résistance, ils jetèrent leurs armes et se rendirent. On les entoura vivement et on les fit passer sur la Sainte-Anne. Alors seulement, le vaillant brick, traînant la corvette à sa remorque, rallia les trois vaisseaux victorieux. Surcouf ouvrit ses bras à Jacques de Clavaillant et l'embrassa à la vue de tous les équipages. Puis il donna l'ordre d'un repos bien gagné. Il était 3 heures de l'après-midi. Vers 6 heures du soir, les vaisseaux accostèrent l'îlot afin d'y procéder à l'enterrement des morts et à l'installation à terre, pour quelques jours, des blessés plus gravement atteints. Au nombre de ceux-ci se trouvait le commodore John Harris. Le malouin veilla sur lui avec le soin d'un père pour son enfant. On construisit pendant la nuit un baraquement de planches à l'extrémité de l'île la plus éloignée du campement des prisonniers. Ce fut également pendant cette nuit que les tristes restes de ceux que la mer n'avait pas engloutis furent confiés à la terre. Le lieutenant Jacques de Clavaillant, Surcouf et tous les équipages de corsaires accompagnèrent à sa dernière demeure le commandant George Blackford, mort en héros sur le pont de la corvette Eagle. Un quartier de roche détaché du granit, une croix de bois sur laquelle le nom de l'officier fut gravé grossièrement, marquèrent la place de sa sépulture. Ces devoirs rendus aux vaincus, les Français payèrent à leur propre mort le tribut d'honneur qu'ils leur devaient. Pierre Mael.